Chapitre 32e. Lady Frances revint à Fairview dans un état de grande perplexité. Que répondra-t-elle à Sir Everard lorsqu'il lui demanderait ce qu'elle avait fait de sa fille? Elle s'installa dans le boudoir de Dulcy, prit les idylles de Thomson, en attendant l'heure du 5 o'clock tea, mais elle était si loin de songer à sa lecture que le livre lui était tombé des mains sans qu'elle s'en aperçût. Quand Sir Everard entra, il s'empressa de le relever, disant gravement à Lady Frances « Je vois que la poésie a tort près de vous. » J'avais déjà les nerfs très agacés. Thomson n'a fait que les irriter davantage. C'est le livre qui en souffrira. « Et où donc est Dulcy ?» demanda Sir Everard à Lady Frances. « Je ne sais, en vérité, comment vous apprendre ce qui s'est passé. Je n'y suis pour rien. Enfin, puisqu'il faut que vous le sachiez, autant vous dire tout de suite que Dulcy est allé voir Morton. » Il raconta ensuite comment les choses s'étaient produites. « Je regrette que ma fille se soit rendue coupable d'une telle infraction en convenance, » dit-il du ton du plus vif mécontentement. « Sa conduite est inexplicable, ridicule, inconvenante. C'est de la démence ou je ne m'y connais pas. Songez, Sir Everard, qu'il y a bien peu de temps encore, Dulcy et Morton étaient fiancés, qu'ils s'aimaient tendrement, passionnément. Oh, je vois que vous les plaignez aussi. Vous les encouragez peut-être, m'accusant sans doute d'être cruel, égoïste. C'est vrai, Sir Everard. Enfant, la meilleure preuve que je ne suis pas aussi coupable que vous le croyez, c'est que Morton ne s'est pas plaint de la détermination prise par Dulcy sous mon inspiration. Il sait qu'en m'opposant à la consommation de son mariage avec elle, j'ai fait acte de sagesse et non d'égoïsme. Il m'est impossible de rien comprendre, je l'avoue, Sir Everard, à votre conduite envers Morton Blake. Je l'ai connu assez intimement pour apprécier la parfaite honorabilité de son caractère, l'élévation de ses sentiments, sa valeur intellectuelle. Comment un tel homme aurait-il pu rendre Dulcy malheureuse ? Vous devez m'en croire sur parole, répondit Sir Everard. Tenez, parlons de Beville. Cela vaudra mieux. Il y a tout lieu de croire que sur ce sujet, nous serons d'accord, car votre frère m'est des plus sympathiques. J'espère que l'ambition lui viendra quelque jour. La chasse, la pêche, les courses et les jeux d'adresse ne pourront toujours lui suffire. Oh, mon frère est trop jeune pour la politique, il a à peine 23 ans. Que voulez-vous qu'il fasse ? Préparer son entrée à la Chambre des communes. Les élections coûtent trop cher, c'est un jeu ruineux pour les gens qui ont de la fortune. Quant à ceux qui n'en ont pas, ils doivent y renoncer. Puis, mon père, je crois, ne pourrait se passer de Beville. Vous ne vous faites pas l'idée à quel point nous sommes unis. Notre pauvreté a resserré nos liens. Permettez, si Beville avait de la fortune. Ah, s'il épousait une héritière. On m'a déjà souvent dit cela. Mais Beville a horreur des héritières. Il ne sera jamais un coureur de dot. Il entend se marier par amour, ou pas du tout. Il n'est pas dit que son cœur ne battra pas pour une héritière. « Pauvre Beville !» balbutia Lady Frances en devenant toute rouge. « On ne peut répondre de rien, et je ne veux rien dire. Quant à l'ambition, je ne le soupçonne pas d'en avoir jamais d'autre que celle d'aider mon père à améliorer Blatchmardean. Il paraît très indifférent à la politique. Par contre, il est chasseur fanatique, infatigable et semble parfaitement heureux de son sort. » À ce moment, la porte s'ouvrit et Dulcy entra. On eût dit une morte, tant elle était livide. Elle tomba inerte sur un siège. Lady Frances, s'approchant d'elle, lui dit tout bas « Ne fixez pas ainsi vos yeux sur ceux de votre père, enfant. Votre regard a une expression si étrange en ce moment que Sir Everard pourrait en être offensé. Sachez que j'ai plaidé votre cause et qu'il ne vous grondera pas. » « Dulcy, dit Sir Everard à sa fille, vous avez agi avec une grande inconséquence. Je vous pardonne, mais la condition que ce sera pour la première et la dernière fois. « Jamais, mon père, je ne reverrai Morton. Ou du moins, si je le revois, ce ne sera pas volontairement. » Après avoir dit ces paroles, elle se leva, trébucha et tomba évanouie aux pieds de son père.